dernier, toujours devant, jamais sous le temps, rien que le vent, dans la tempête de nous dedans, dans leurs ailleurs seulement les autres, nous sommes la tête haute, l'âme sacrifiée, sur le front, le cœur crucifié, le poing fermé, nos larmes chargées, le sang futur, et des rêves pourtant les autres, nous sommes dans nos solitudes les plus serrées, dans nos amertumes, l'amour inséré, la chair à canon des aînés, des armées des aînés, des autres, nous sommes les autres, d'ailleurs toujours les autres, camarades à jamais, de hier, aujourd'hui, comme demain, nous sommes maintenant. Claque les fusils, résonnent les chants. Fleurs de misère, onces de colère repoussent sous les pierres. Nourris du sang de tous nos frères, ne meurt jamais la mauvaise herbe. Sans des braves, sans prolétaires, à jamais. Camarades. Comme le jour et comme hier, les poings toujours se dressent fiers, en rouge, en noir.